sais, c'est pas extraordinaire, là. Je m'assis pas comme une religion pour écouter ça, 30 vies. Mais on peut pas dire que c'est une mauvaise émission, là, 30 vies. C'est moins drôle que les parents? C'est pas drôle pantoute. C'est pas drôle pantoute, là. Il y a pas de plaisir de, il y a pas de rire là-dedans. C'est le colo. Une semaine, un colo. OK. Genre, il y avait un enfant, il y a pas longtemps, qui était dépendant à Internet, là. Il voulait pas sortir de sa chambre. Son père est obligé quasiment de sortir de sa chambre de force. Sortir l'ordinateur de force. C'est toujours des colos dans 30 vies, là. Dans l'histoire, est-ce que le gars opérait un site de sortir les radios poubelles? Non. Hey, on fait une courte pause. 670-9098. Dans l'histoire, est-ce que le gars, pour faire parler de lui dans le journal, prenait ses propres boules de billard pour les tirer dans sa propre fenêtre? Non plus. OK. Dans l'histoire, y a-t-il une journaliste qui tombait dans un panneau gros de même? Non plus. Ça arrive juste dans la réalité des affaires de même. OK. Hey, je suis de bonne humeur. Excusez-moi. Dans vraie vie. Live à radiox.com. 670-9098. On vient.